Cette semaine, on parle de GoPro, d'une vidéo clandestine dans le métro de Montréal, des Fujifilm Instax, et on vous apprend à bien vous servir d'un trépied. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 88. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut Stéphane. Et de Christian Jarry. Salut Stéphane. Dans notre nouveau studio. Oui. Ben oui. Hein? Comme vous pouvez ne pas voir. Exact. êtes-vous abasourdi, estomaqué, impressionné par le nouveau setup? Okay, tu parles à nous aux auditeurs? Aux auditeurs qui ne voient pas le nouveau studio. Ben oui. Moi, je vais décrire aux auditeurs. On est dans un endroit super... C'est plus aéré. On n'est plus au sous-sol. Oui, mm-hmm. ça aide. On est au rez-de-chaussée. On a plus d'air. Oui. Ouais. Puis un mur de briques juste oui. à côté de nous. Un mur de briques à côté de nous. On va vous envoyer une photo. On va mettre une photo ou deux dans les notes d'épisode. François, d'ailleurs, a installé une GoPro sur une espèce de trépied. Ça se pourrait qu'on la rende... Peut-être un petit extrait de 30 ça. Secondes, ouais, quelque chose comme ça. Ça ne sera pas une habitude. Non, non. Juste pour vous titiller un peu. et après, se faire harceler pour dire « Mettez de la vidéo! » Bon, mais qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis le dernier épisode, François, de ton côté? Je suis allé faire un petit tour à Toronto, où ma sœur habite, et un de mes très, très bons amis, ça fait une... My God, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Oui. Et puis, il s'est établi là depuis plusieurs années. Puis, je suis allé faire un tour, aller les voir, tout ça. Puis, comme à chaque fois que j'y vais maintenant, depuis que mon ami m'a montré cet endroit-là, je suis allé à ma brasserie préférée de Toronto. En fait, c'est un microbrasseur. Il fait ses propres bières sur On place. Aime ça. Oui, ça s'appelle le Junction Craft Brewing. D'accord. Dans le quartier de Junction. À Toronto. Puis c'est vraiment une belle petite place, le fun. Puis je me suis amusé à faire une photo panoramique de l'endroit parce que c'est... Il y a un petit comptoir où on vient remplir sa bière parce qu'on peut acheter des jugs. Je ne sais pas comment dire ça en français. Des cruches. Oui, cruches. Exactement. Merci Stéphane. on donne un dépôt sur notre première cruche qu'on achète avec la bière dedans. Ensuite, quand on revient, on fait un échange de cruches. Ah, voilà, oui. On peut changer de type de bière. Ça, c'est super bien. Puis, ils font, comme à bien des endroits, un petit maître de dégustation de bière. Ouais. Puis, il y a 3-4 tables. C'est vraiment... Puis, c'est dans le quartier industriel, dans un quartier très industriel. Donc, tu passes par l'arrière où il y a des docks... Des quais de chargement. Des quais de chargement. Ah, je suis un dictionnaire anglais-français. Oui. Translator, you. J'ai une petite base en transport aussi. Oui, hein, c'est ça. J'avoue. Fait que c'est vraiment cool l'endroit. T'as l'impression d'arriver dans une petite place un peu recluse. Puis c'est le fun. Mm-hmm. C'est très industriel. Puis t'as les cuves, évidemment, qui font partie du décor. T'es assis avec ça. C'est bien le fun. Fait que si jamais vous voulez y aller à Toronto, vous m'appelez, je vais vous dire c'est où. Non, je vais appeler directement ton ami, je le connais. Ah oui, oui, oui. On salue Adeline. Oui, salut Adeline. On salue ta sœur aussi que je connais depuis 20 quelques années aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Christian, de ton côté? Ça va vous surprendre. Attends, laisse-moi deviner, laisse-moi réfléchir. Un spectacle. Eh oui, eh oui. Mais quand même. Non, je le sais. Non, mais ça faisait longtemps. Ça faisait quand même un bout de temps, sincèrement, que je n'étais pas allé avec une caméra dans un spectacle. Parce que les dernières fois, bon, il y avait Muse que je suis allé, mais malheureusement, les nouvelles règles au Centre Bell étant que tu ne peux plus amener grand-chose, j'ai pas osé amener mon appareil photo. Tu peux pas amener de métal. Mais j'allais dire, Maxime Tremblay va être content parce que tu as dit caméra au début. Ah, toi qui viens de le taquiner sur je Facebook. Sais. Camera. Mais c'est ça. Fait que finalement, y a pas longtemps, je suis allé au spectacle de Half Moon Run au Métropolis. J'étais supposé y aller avec ma blonde, mais elle filait pas. Elle a passé la nuit à l'hôpital. Bon, rien de bien grave, là, mais un petit problème de santé. Puis elle me dit, vas-y tout seul. Fait que là, étant tout seul, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé proche de la scène. Mm-hmm. J'en ai profité, tant qu'à faire. J'ai fait quelques photos que je suis quand même assez content, malgré tout. J'étais un peu trop sur le côté à mon goût, mais ça donne quand même une couple de poses intéressantes. Résultat bien. Ma petite caméra, ma petite Sony a encore fait le travail. moi, de mon côté, je me suis payé la traite il y a 2 semaines, je pense. Je suis allé faire de la photo avec Caroline Cloutier, qui est déjà venue à l'émission au tout début, je pense à l'épisode 2 quelque ou 3, chose là, quelque chose comme ça, qu'on salue en passant. Et un bel après-midi où il annonçait de la pluie, mais finalement, c'était juste gris. On a réussi à s'en sauver, puis on a fait de la photo de rue. On s'est promené. Elle a un Fujifilm XT100, je crois. OK. Puis, c'est ça. Moi, j'avais... Ben, elle, elle a un objectif polyvalent au maximum. C'est parfait pour la photo ben de oui. rue. Puis, moi, j'ai changé d'objectif à tout le temps, constamment. Parce que là, je disais, ah, oh, là, je vais prendre mon zoom. Ah, oh, là, je vais... Écoute, c'était c'est là qu'un assez objectif pénible. Comme le 24-105 est tellement le fun pour ouais. justement de la photo de rue parce que tu as beaucoup, beaucoup de... Tu sais, tu peux aller très large, tu peux faire des zooms, des affaires de même. C'est pour ça que je le trouve le fun, c'est ça. Cet objectif-là. Je pense que c'est comme un 18-135. OK, ouais. Fait qu'elle pouvait... Puis là, ben, c'est un x2. Donc, c'était comme un 36-270. Écoute, mm-hmm. c'était incroyable. Ouais, c'est parfait. Là. Ben oui, tout à fait. Moi, je prenais mon 70-200, puis je n'étais pas capable de me rendre aussi loin qu'elle. Mm-hmm. Mais c'est ça, ça a été super intéressant. On a fait du noir et blanc, de la couleur. On a vraiment fait... Très belle photo. Ben, merci. C'était vraiment agréable. Mm-hmm. Caroline, elle a l'œil pour la photo. C'est vraiment... J'étais impressionné. Elle se retournait, puis elle prenait une photo, puis j'avais même pas le temps de réagir. J'ai dit, mon Dieu, elle m'a volé une photo. Ah. Mais non, c'était vraiment agréable. Puis, en fin de journée, je suis allé chez d'autres amis. Puis, mon ami me dit, ah, il y a un espèce de building des anciens logements à loyer modique, là, à prix modique, ouais. HLM, comme on dit, puis qui sont sur le bord d'être démolis. Il y a eu un feu, un incendie, puis c'est vraiment désaffecté, tout ça. Puis j'ai dit, ben j'aimerais ça aller faire quelques photos là. Je n'avais pas à quoi m'attendre. Je pensais mm-hmm. que c'était plus un building en hauteur, mais non, finalement, c'était comme des unités, presque comme un motel. Avec juste deux étages, ouais, une soixantaine d'unités. Mm-hmm. Puis là, on commence à faire le tour. Puis finalement, il y avait plein de sujets super intéressants, dont un ventilateur que j'avais pas récupéré au départ parce que c'est pas dans ma nature de prendre des trucs qui m'appartiennent pas. Puis là, ben, y a plein de gens qui m'ont fait la morale. Mais genre, qu'est-ce que t'as fait? J'ai envie d'hurler, t'as pas pris le ventilateur, tu sais, c'est super beau, puis c'est ça. Comme celui à côté de moi. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais envie d'hurler, c'est moi qui ai dit ça. Ben oui, c'est ça. Fait que finalement, j'ai eu des petits remords de conscience. J'ai demandé à mon ami, parce que lui, il a un chien, fait que en allant promener son chien, il est allé récupérer le ventilateur. Okay. J'ai apporté une bonne bouteille de vin pour le remercier. Ah ben. En fait, c'est plus qu'un ventilateur, c'est une chaufferette, si je me trompe pas. Oui, une chaufferette. Oui, mais tu sais, des années 60 ou 70, fait qu'elle a un look super vintage. Ouais, elle est belle. Vraiment cool. Il y a de la rouille peut-être, mais elle n'est pas si belle, je la montrerai, elle est au sous-sol. OK. Mais elle est moins belle que sur la photo. Ah ouais. Ouais, mais il y a peut-être un potentiel à faire. Oui, oui, mais je vais essayer de la sabler un peu puis de la repeinturer. Plus argent, le silver ou quelque chose comme ça. Ça serait cool. Ça serait très joli. Mm. Mais elle sort rose, un petit rosé sur ma photo, mais c'est parce que j'ai triché un peu avec les couleurs. Oh. Sinon, ça sort presque... Je ne sais pas comment décrire la couleur. Brun. C'est une espèce de brun. J'allais dire rosé. Sans joke. Non, c'est un brun beige rosé. Saumon. C'est bizarre. Je ne sais pas comment décrire. Mais je vous la montrerai tout à l'heure. Et ça a été une journée incroyable côté photo. Puis ça donne que je viens de publier les photos urbex que j'ai faites des ruines parce que j'avais oublié depuis 2 semaines. Mais ouais. Je devais le faire. Puis finalement, il était en privé sur Flickr. Puis c'est hier, en regardant mon album, j'ai dit, mais il y a tout un petit cadenas. Dans l'application, on le voit, alors que sur le site web, on le voit pas. C'est bizarre. D'habitude. Ouais. Fait que dans l'application, j'ai dit, mais pourquoi il y a un cadenas? Ah non, je les ai pas mis publics. Ils sont belles. Ben merci. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai fait depuis le dernier épisode. T'en as fait pas mal. Oui, on va passer à un petit bloc. Non, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a fait de la photo récemment et qui nous a envoyé un petit lien sur des photos sur Twitter. C'est Michael Aubigny qui s'est amusé avec un Helios 44-2. Et puis, je vais mettre un lien vers Wikipédia pour que vous sachiez ce qu'est un Helios 44-2. Et puis, un lien vers ces photos qu'il nous a envoyées via Twitter. C'est très intéressant. C'est un objectif intéressant. Puis, parlant d'objectifs, on va passer aux nouvelles, justement. Sony a sorti une série Master et apparemment que c'est assez impressionnant comme qualité d'image. Là, c'est... Pour appareil, pour différentes montures? Non, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'était pour les Sony Alpha là, et compagnie. Donc, le E-mount? FE. Pour, le full frame. Ah. Ouais, ben, ça fait aussi, sur le E. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours compatible avec le E. Ouais. Mais si vous avez juste un appareil crop, ça fait cher un peu pour l'objectif. Là. Si vous prenez une série master en plus, en full frame. Pas sûr que grand monde. Ben, c'est ça. Peut-être. Si tu penses que tu t'en fais assez puis que tu veux éventuellement oui, peut-être passer qu'un jour, à tu veux... d'autres choses, ouais. Oui. Parce que là, les boîtiers, sinon... les nouveaux boîtiers qui sont comme le A7R2, A7II, tout ça, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées. Là. Mais étonnamment, et j'ai hâte de l'avoir entre les mains, ça s'en vient, peut-être pas au prochain épisode, là, mais d'ici quelques épisodes, je devrais pouvoir vous faire une critique du A6300 parce que il a l'air quelque chose. J'en entends parler aussi dans d'autres podcasts et tout ça. Puis, ben, moi, en télé, j'ai plusieurs collègues qui sont équipés de ça pour comme caméra B ou caméra sur un stabilisateur pour faire des images très stables en marchant dans une pièce. Où ça a l'air que c'est vraiment la bombe. Là, c'est vraiment une super caméra. Ah, j'ai hâte de l'essayer. Mais c'est ça, on va mettre un petit lien. Là, mais le site Lens Rentals aux États-Unis qui loue des objectifs, qui a fait une espèce de critique ou de retour sur ces objectifs-là. Puis apparemment que ça serait la totale, quoi. Mmh. Ouais. Toi, Christian, de ton côté, tu nous parles de? GoPro. Mmh. GoPro, François connaît ça très bien, les GoPro. Mmh. C'est quoi tu dirais qui est un des défauts de GoPro? La batterie, la durée de vie de la batterie. Si on va, mettons, plutôt, si tu veux... quand arrive le temps d'importer tes vidéos, et etc. J'ai pas de problème. Est-ce que tu importes tes vidéos? En fait, non, l'affaire, c'est que c'est un piège un peu. Ouais. Non, mais dans le sens que. Personnellement, je vais sûrement dire, ah oui, c'est vrai. Non, mais... Une des choses qui est un peu. C'est correct, là, ça fait le travail, mais c'est pas hallucinant. La suite d'édition vidéo de GoPro est acceptable, mais c'est pas le gros char. C'est pas exceptionnel, disons. Effectivement, c'est quand on travaille pas avec des outils professionnels de montage, puis qu'on veut un logiciel facile là, pour travailler ces images GoPro, je suis d'accord avec toi. Ce qui donne, c'est... C'est basic. C'est minimal, là, disons. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ben, ils ont décidé de faire l'acquisition de deux nouvelles compagnies. Ben, je dis nouvelles parce que personnellement, j'avoue que j'ai jamais entendu ni parler de l'une ni parler de l'autre. Stupeflix et Vimory. Je connais pas vraiment. C'est deux compagnies qui ont lancé les applications mobiles Replay et Splice. Je sais pas si ça vous dit quelque chose non. à vous. Moi, non. Mais ils ont quand même dépensé 105 millions pour les deux compagnies. OK. On s'entend que c'est pas mineur. Ce qu'ils voudraient faire, c'est, entre autres, sur le téléphone, donner des applications beaucoup téléphone ou tablette. Moi, je vois plus tablette. Là. Ben, remarque, tu sais, je regarde, je voyais encore quelqu'un hier dans un sur la rue se promener avec son... Non, en fait, c'est le spectacle que je suis allé voir hier. Puis il avait son iPhone 6 Plus dans les mains. Puis j'étais comme, c'est pas un téléphone, ça, bâtard, c'est une tablette. C'est tellement gros, là. Ouais. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'ils veulent trouver quelque chose qui est un petit peu plus juste user-friendly dans la tête. Stéphane, vas-y, user-friendly. Convivial. Merci. qui est un petit peu plus convivial. Il n'y a pas de montage. Hein? Non, en effet, il n'y a aucun montage. T'es dur à prendre. J'avoue. Un petit peu plus convivial si on décide de faire un petit peu d'édition vidéo on the go, là, sur la route. Ouais, t'es auras pas toutes là quand même là. On the go, ben je dirais sur le coup comme ça, je sais pas. Fait que je sais pas. Toi, personnellement, bon, la GoPro que moi j'ai, je peux pas faire d'édition vidéo avec les applications. Ben, je l'ai dans mon Mac, mais je l'ai pas sur le téléphone. J'ai pas essayé sur une tablette. Semble-t-il, d'après ce que je disais dans l'article, sur tablette, c'est assez laborieux de... Mais écoute, on travaille avec des fichiers du moment que tu enregistres en 1080, tu sais, en ce qu'on disait en Full HD. Mm-hmm. Ça fait des fichiers lourds, là. Ça prend tout un processeur pour gérer ça. Fait que des tablettes, même, il parlait même juste de faire éditer, de couper et coller des sections de vidéos. C'est complexe, là. C'est pas facile. Ouais. Semble-t-il qu'avec ces logiciels-là, ça serait beaucoup plus facile à faire. Okay. Ça serait moins lourd... plus user-friendly. Puis c'est là que je vois, mettons comme le nouveau iPad Pro là, qui ont sorti de 12 pouces, qui pourrait devenir intéressant ça, à travailler bon, là-dessus. Là. Oui. Ça, je l'ai vu, c'est complètement hallucinant. Tu peux avoir 4 flux de vidéos 4K en même temps. Là. Il est capable de gérer ça. C'est quelque chose. Il n'est pas donné, mais je peux comprendre. Tu sais, quelqu'un qui veut juste monter minimalement quelque chose de vidéo pour se donner une idée. Ah, c'est-tu correct ce que je vois, ce que je vois pas? Puis après ça... Tu dis, bon, OK, on va refilmer ou on refilmera pas. Je vois définitivement l'intérêt là, de ça. Mm-hmm. Mais avec un logiciel beaucoup plus puissant, plus pratique, c'est là que ça peut gagner aussi. Mm-hmm. Mais moi, je comprends qu'ils veulent rester à jour avec la clientèle. Ben oui. Puis de ne pas perdre à cause de ce côté-là qui est vraiment pas super. Là. C'est vrai, effectivement, ils n'ont pas... Puis c'est intéressant, je trouve, qu'une compagnie écoute le monde puis dise, ben on sait que c'est pas au niveau que vous attendez, puis on cherche à l'améliorer. Moi, pour moi, là, ça, c'est toujours gagnant. J'espère pour eux que ce 105 millions-là va être payant. Oui, bon, c'est, ça, c'est une autre histoire. Là. D'argent. C'est l'avenir nous le dira. Bon, parfait. De ton côté, François, tu avais quoi comme nouvelle? Il y a trois personnes qui ont décidé de partir sur un trip et d'aller se promener dans le métro de Montréal. Évidemment. Comme on dit ici, trois fins. Oui. Ouais. Donc, puis il faut que je le mentionne. Il y en a deux dans la vingtaine, je pense, puis il y en a un de 53 ans. Oui. OK. Quand j'ai bon? Ça, je n'avais pas vu cette boîte-là, moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? OK. Ils n'ont pas même réfléchi avant de mettre une vidéo sur YouTube de leur entrée par effraction dans le métro de Montréal. C'était pas l'idée du siècle, disons. Non. Parce que, ben écoute, ils se sont cachés avec cette vidéo-là. Ils l'ont fait anonymement, mais regarde, aujourd'hui. Bon, on peut les appeler les champions de la semaine. Ouais, ah, c'est pas loin. C'est pas dur de retrouver, de retracer quelqu'un. Là. Ou ce qu'ils n'ont pas été champions encore plus, là, c'est qu'ils ont fait ça, ils ont mis en ligne la vidéo quelques jours après les attentats de Bruxelles. Fait que là, t'es déjà un peu dans le mode, OK, la sécurité, c'est difficile de je sais pas, j'ai même pas fait le lien personnellement, mais c'est vrai, ouais. Là, t'as trois zinzins qui s'en viennent rentrer dans le métro comme si rien n'était, puis que tu vois que dans la vidéo, ils passent à côté des appareils électriques, mm-hmm. des affaires qui contrôlent vraiment les circuits électriques du métro, la signalisation, sûrement d'autres affaires, peut-être carrément l'éclairage des stations. Fait que les autorités n'avaient pas le choix d'en faire des exemples. Non, c'est ça. Justement, ils ont mis beaucoup d'effectifs sur ce dossier-là mm-hmm. pour y arriver, puis en 14 jours, je pense, l'enquête était close, ils avaient trouvé les personnes, il y avait les preuves et tout ça. Mm-hmm. Fait que, bon, c'est ça. On voit qu'ils rentrent par un trou d'homme près dans l'arrondissement de Verdun. Je ne sais pas trop à quelle station, mais c'est peut-être même entre deux stations. Ouais. Ils ont soudé le trou d'homme depuis, parce que là, évidemment, c'était un point d'entrée super facile. Les endroits qu'ils ont fait, ils sont promenés dans les tunnels de service. Ils ont été voir la cabine de queue de train, tu sais, où il y a les conducteurs de métro. Fait qu'ils ont carrément rentré dans la cabine pour prendre les images de là. C'est ça. C'était pas fort ce qu'ils ont fait. Non, vraiment, là. Normalement, il y a une petite voix qui dit « It's a trap! » Puis, tu sais, je me rappelle pas, je pense que c'est 750 volts, hein, la rame de train. C'est énorme. Donc, c'est indiqué, là. C'est peinture en jaune ou ce qu'il y a du courant, mais il s'agit que tu t'enfarges, que tu tombes, tu places les mains parce qu'il ne faut pas. Mm-hmm. Écoute, c'est arrivé à quelques personnes. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une fille de 16 ans, 17 ans, qui a sauté en bas pour aller se promener dans le tunnel avec des amis. Tu sais, un trip d'adolescence. Là. Puis, c'est ça qui est arrivé. Elle a trébuché puis bang, les mains sur le courant. Mm. Sur le coup, elle a reçu une décharge. Mais elle s'est relevée. Elle est retournée. Elle est allée à l'hôpital pour expliquer qu'elle ne filait pas. Ils l'ont retournée. Ils n'ont pas rien trouvé. Ils n'ont pas fait tous les tests qu'il fallait faire. Elle est morte chez elle. Elle n'aura sûrement pas dit que c'est arrivé dans le métro. Non, elle ne devait pas vouloir s'en vanter. Je ne le sais pas. C'est ça. Ouais, mais bon, fait que c'est très dangereux, évidemment, d'aller se promener là-dedans. Oui. Je me rappelle une petite histoire en parallèle avec ça. C'est le père de l'ex d'un de mes amis travaillait dans le métro de Montréal. Puis souvent, on n'en entend pas parler parce que c'est pas le genre d'affaires qui veulent trop ébuiter, mais il y a souvent des itinérants qui se ramassent dans les tunnels. Ça arrive fréquemment. Ils sont obligés de faire le ménage tous les soirs au cas où. Mm-hmm. Ils n'ont pas le choix parce que, bon, ça n'a pas besoin de te spécifier que s'il y en a un qui se lève pendant la nuit et qui fait d'autres affaires, parce qu'il y a des tests la nuit avec les trains des fois. Mm-hmm. Comme les métros Azur ces temps-ci, ils font souvent la nuit. Fait que là, ben, tu sais, lui, il pense qu'il est en sécurité, mais pas nécessairement là. Mm-hmm. Non, c'est pas une bonne idée. Non, non. Ben, en fait, c'est une excellente idée du point de vue visuel. Oui, mais... Parce que moi, avec, je serais prêt bien raide de pouvoir y aller. Mais non. Non. Bon, merci François. De mon côté, je vous parle des Fujifilm Instax. Ça vous dit quelque chose? Des petits appareils? On n'a pas déjà testé? Hein? Oui, on en a déjà parlé. Imaginez-vous donc que ça vient de décoller en fou. L'année dernière, disons jusqu'à avant le temps des fêtes, là, Fujifilm en avait vendu comme 1,4 million. OK. Et depuis la période des fêtes, 5 millions. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Les hipsters ont découvert ça. Puis là, ben, je crois, c'est possible, ça serait une explication plausible. Là, ils s'attendent à vendre 6,5 millions d'unités cette année, ou en tout cas, au cours de la prochaine année. C'est le Wall Street Journal qui rapporte ça. Et c'est une espèce de, justement, de renaissance ou résurrection de l'analogique, là, de la photo. OK, comme le vinyle. Par pellicule. Ouais, il est revenu à la vie. Donc, ouais, sauf que c'était amusant, mais c'était pas. C'est parce que le problème étant la grosseur aussi des photos, j'avoue. Oui, que puis la mise au point, si tu fais une mise au point trop proche, tu n'étais pas aligné comme il faut. Ouais. Avec le, mais bon. Mais petite parenthèse. Ceux qui, justement, rachètent les fameux vinyles parce que le son est si incroyable et compagnie, apparemment que, je me souviens pas du nombre exact, mais je dirais autour des trois quarts des gens, sinon plus, ne les écoutent même pas, ces vinyles-là. Non, ils font je juste les collectionner ou les okay. afficher. Regarde, je vais être honnête avec toi, OK? J'ai zéro intérêt à écouter un vinyle. Mm. Puis pourquoi? Parce que c'est tellement plus commode d'avoir ça dans le téléphone, d'écouter sur Spotify, whatever. Mais la pochette... Pas juste la pochette, vous avez pas vu ce qu'ils sont capables de faire avec les vinyles maintenant? Ah oui, le vinyle lui-même. Ils sont magnifiques. Oui. Là. Juste à voir, là, je regardais récemment parce que les Lumineers ont sorti un nouveau disque. C'est comme un nuage sur le dessus du disque. Tu regardes ça, là, c'est magnifique, c'est vraiment beau. Avec des couleurs flyées, du rouge, du mauve, des choses comme ça, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ouais. Juste ça. Ça devient des petites œuvres d'art. Voilà. Là, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça l'affaire. C'est juste ça que le monde sont intéressé. Puis le format est plus beau dans une bibliothèque qu'un disque. En effet. Qu'un CD. Je suis bien d'accord. Mais moi, je m'excuse, mais j'ai plusieurs vinyles que j'écoute. Pas régulièrement, mais assez souvent. Ah, mon hipster. Quand je tombe... Non. C'était avant que ça pogne, pour vrai. J'avais une table tournante. Ouais. J'en ai même une nouvelle table tournante que je viens de USB? Non, pas USB. Une table tournante des années 70. Une Rega. C'est vraiment... C'est britannique. Café, thé, Rega. Ah oui. Puis, ça me fait penser à Sega. Elle est vraiment... Je vois la... Non, mais je vois le... Oui, c'est ça, la bédaine. Ouais. En tout cas, je vous la montrerai en photo. Elle est très, très, très désigne. Très belle dans le décor. Ah, c'est très joli. Elle joue bien, en plus. Puis, j'achète des albums qui veulent dire quelque chose pour moi quand j'étais plus jeune. Oh, oui. Par exemple, le dernier que j'ai acheté, c'est Heart. Oui. Dreamboat Annie. Ah, t'as pas acheté Barracuda? Non, c'est sur un autre album, ça. Oui. Ben, c'est sûr. Mais non. Les gars, vous venez de dire votre âge, juste de même. Là. Mais moi, je l'assume. Moi, je l'assume, je suis désolé. Mais non, c'est correct, je niaise. J'ai aucun problème avec ça. Je sais, je niaise, je suis pas sérieux. Non, mais en tout cas, je... Mais ouais, c'est ça, les Instax, c'est tout ce qui est l'analogique. Ben, en fait, en photo, on parlerait d'argentique, là, mais, ou d'instantané, là, de photo instantanée à la... Polaroid et compagnie. Là. Moi, c'est honnêtement, je trouvais ça cool. C'était juste le format en tant que tel de la photo que je trouvais étrange. Bien, ce qui est étrange, parce que j'avais pas tout à fait terminé de donner les informations, mais il y aurait 30% des ventes qui se feraient aux États-Unis, 30% des ventes en Asie, puis il y a 15% en Europe. Le reste serait éparpillé un peu partout, là, mais quand même, c'est comme global. Oui, vraiment. C'est étonnant, je trouve. C'est sincèrement pas juste les hipsters des États-Unis. Non, là, c'est peut-être les jeunes qui veulent connaître ce type d'appareil-là parce qu'ils ont juste connu le numérique. Pas, parce que même, je serais curieux de savoir qui achète ça, sincèrement. Non, mais à la limite, les jeunes de 12 à 15 ans ou 18 ans aujourd'hui, ben même leurs parents n'ont plus nécessairement d'appareil à pellicule, là, à film. Pis... Non, mais le pire, c'est que je me rappelle en l'essayant, je me disais que mes enfants auraient du fun avec ça jusqu'au moment où je me suis mis à penser que oui... Mais c'est parce que ça commence à coûter cher, ces petits maudits pellicules-là. Puis c'est parce qu'eux autres sont habitués avec les appareils photo digital. Hein? On prend des photos comme on veut, puis that's it, là. Mais là, c'est pas pareil. Puis d'ailleurs, je pense que c'est Fuji qui disait justement qu'il avait arrêté sa production de films, de pellicules. Fait que là, ils produisent... Ça se vend bien parce que c'est des petits trucs à la Polaroid. Là. Justement, tu achètes un paquet de 12 ou de je sais pas combien de photos là, que tu vas prendre. Puis qui vont se développer instantanément. Mais les films, là, les pellicules à 24 ou 36 poses, Fujifilm a arrêté la production. Fait que là, ça va devenir presque impossible à trouver. Ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'y pense, mais que j'oublie à chaque fois. Je veux m'acheter 3-4 pellicules pour essayer dans le Minolta de mon père. Ouais, moi, je suis pareil. Moi, j'ai la même affaire. Je l'ai, là, puis il faut que je fasse de quoi. Cet été, je me le fais. Ouais. Moi, j'ai une bobine, OK, qui n'est pas développée. Chez moi, depuis je sais pas combien d'années, je sais pas ce qu'il y a dessus. Ben, fais-le avant qu'elle se désagrège. Écoute, ça fait peut-être trop tard. Ouais, là, ça serait... Ben, fais-le quand même. Ça doit faire 15 ans. Ne serait-ce que pour si la curiosité. Ça pourrait être correct. C'est, tu vas peut-être avoir perdu un peu des couleurs, des affaires comme ça, mais plus, ça pourrait. Tu vas peut-être être capable de voir pareil que ce qu'il y a dessus. Je suis bien curieux, en tout cas. Elle est là, puis elle traîne, puis elle est sur mon bureau, puis je me dis un jour. Fais-le, puis amène l'enveloppe ici sans regarder les photos avant. Ah oui. Oh. Ben oui, il va faire ça. Ouais, c'est clair. En fait, je vais faire un vidéo live sur Facebook. Ah, oh, c'est encore mieux, oui. C'est ça que je vais faire. Très, très bonne idée, non? Christian, de ton côté, tu avais une autre petite nouvelle? Les appareils photo, ben, en fait, plutôt les téléphones avec deux objectifs. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Ça vous intéresse-tu? Ça... Il y a des rumeurs pour le prochain iPhone là, qui aurait deux objectifs. Il y a beaucoup de rumeurs. Le LG G5 a deux objectifs. Mm-hmm. Moi, je sens une tendance future sur les téléphones parce que c'est ce qui manque. C'est une des choses qui manque au téléphone, la possibilité de zoomer sans que ce soit un zoom numérique. Mm-hmm. Fait que ben, si... ça ou tu sais, comme ce que moi je vois qui est intéressant, c'est que tu en as un qui a un zoom. Puis l'autre est wide angle. Ben, c'est ça. Fait, ben, c'est ça. C'est pas, ben, c'est parce que c'est pas. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est sûr que c'est pas parfait, mais bon, ça peut être quand même intéressant malgré tout. Là. Je sais pas. Va falloir que je le voie, personnellement. Là, je sais que c'est, comme tu dis, il y a énormément de rumeurs sur beaucoup d'affaires. Puis où est-ce qu'il y a de la fumée? Il y a probablement que. Il y a un ours qui tousse. Non. Ouais, c'est ça. Écoute, mais... j'ai entendu parler de cette technologie-là et j'ai vu une vidéo là-dessus, Christian. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. Et justement, c'est ça le principe, c'est que tu as un objectif qui est plus large, l'autre qui est plus téléphoto, puis il y a un logiciel qui gère les deux. Et tu fais un zoom carrément avec une vitesse de zoom. Là, lui, il recalcule toute l'image. Ah, on a la puissance du processing power, de traitement. De traitement, tu m'énerves. Mais la puissance de traitement est là. J'ai pas de misère à ce que ça peut fonctionner. Ouais. Ben, on le voit là, dans la vidéo. Oh, oui, puis tu te retrouves à avoir 6 fois de grossissement. C'est quand même bon là, pour un téléphone portable, tu sais, avec ça. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'autres affaires qu'on peut faire avec ça. Là, c'est pas juste de dire on peut zoomer. Il y a sûrement des trucs d'exposition que tu peux aller chercher. Des affaires comme ça, si le logiciel gère les deux objectifs en même temps. Oui. En tout cas, d'après ce qu'ils disent, c'est ça. Bon, tu as le LG. Le prochain serait l'iPhone 7, semble-t-il. Les autres, bon, ça va venir. Là. Tout le monde va venir avec ça, c'est sûr et certain. Entre autres, une des choses qu'ils disent, c'est que ça aiderait aussi la performance en basse luminosité, clair. Ouais. C'est le fun quand tu parles français. Oui, je sais. Mais tu sais, des fois, c'est parce que quand tu lis quelque chose qui est en anglais, tu le traduises à mesure. Moi, je suis pour n'importe quelle chose qui va améliorer la performance de ces appareils photo-là. Mm-hmm. Moi, la question étant plus la suivante, c'est qu'à un moment donné, ça augmente le coût si je veux pas. Ben, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dispendieux en tant que tel de racheter un objectif, mais ça en rajoute. Là. Oui, c'est vrai. Ben, si les fonctions ajoutées en valent la peine. C'est ça. Ça va tout être une question de est-ce que ça vaut la peine. Ouais. Puis bon, on verra bien. Là, de toute façon, on ne l'aura pas avant iPhone 7, c'est quoi? Ben, c'est automne, octobre-novembre. On verra bien. Je ne sais pas, le LG G5, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer ou de le voir vraiment, mais... Ben, je l'avais apporté au douteux. Tu l'as pas essayé, non? Pas la caméra, vraiment. Ah, OK. Ah, ben oui, un petit peu. Il y avait deux objectifs, j'avais même pas remarqué, vraiment. Ouais, mais c'est ça. J'ai essayé de zoomer un peu avec. Peut-être pas sûr que c'était pas tout à fait au point à 100%. Il va falloir que je lise le manuel. Le quoi? C'est ça. Chose que je ne fais jamais. Mais... Non, les seuls manuels d'instruction que je lis, c'est pour assembler mes meubles IKEA. Ça, c'est pas des manuels d'instruction. Non, ce sont des pictogrammes. Oui, c'est ça. En tout cas, on verra bien, mais je pense que ça va être une chose qui s'en vient de plus en plus populaire. Ouais. Moi, si c'est pour améliorer... Une certaine tendance dans le haut de gamme, puis éventuellement, on va voir si c'est populaire, si les gens se précipitent là-dessus et que les critiques sont bonnes aussi. Ouais, ben, ça va se retrouver dans les moyens de gamme et compagnie. Ça va... C'est comme n'importe quoi. Ben, c'est ça. Bon, mais moi aussi, j'ai une autre nouvelle. On a un gros bloc nouvelle. Oui. Une nouvelle de dernière heure qui veut que Canon aurait un appareil hybride sans miroir, plein capteur. Donc, le fameux bien. EOSM qui sont rendus à la troisième itération minimum. Oui. Là, ben là, il y aurait une version plein capteur. Ça serait un peu l'équivalent du EOSM 3 avec un capteur 24 mégapixels. Mais moi, je ne sais pas. Je trouve ça bien qu'ils développent un appareil hybride plein capteur. Mais pourquoi se baser encore sur le EOSM qui n'est pas, à la base, là, il n'est pas si performant. Il n'y a pas beaucoup de contrôle sur l'appareil. J'en avais parlé il y a plusieurs épisodes, oui. Mais il y a Fan base. Oui, il y a un cult following. Là, oui. Il y a vraiment beaucoup, il est très, très populaire malgré justement ses défauts. Parce que c'est un petit appareil qui n'est pas gros. Puis que tu peux facilement... c'est un adapteur, si ma mémoire est bonne. Il ne peut pas prendre les objectifs directs. Mais c'est pas... D'après ce que je comprenais, c'est pas si grave que ça, puis ça coûte pas cher. Non, mais c'est ça, moi, l'affaire. Ce qui me fait rire, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont chez Canon ou chez Nikon, mm-hmm. peu importe, ils vont dire « Moi, je passe pas au mirrorless, aux hybrides, parce que j'ai trop d'objectifs ouais. et je veux pas me J'suis départir d'accord. de mon parc d'objectifs. » Ouais, mais ils sont arrivés en retard, puis ils vont payer pour. Là. Oui. C'est ça que je pense. Non, mais c'est pas, oui. Non, moi, mais je le pense aussi, sincèrement. Il existe les adaptateurs Metabones et compagnie. Ou tu peux tout simplement payer 300-400 $ puis tu peux te servir de ton parc d'objectifs de 10-12 000 $ si tu veux. Là. Mm-hmm. Mais c'est quand même, ces adaptateurs-là ne sont pas donnés quand même. Non, mais EOSM, ça te prend un adaptateur pour utiliser ton même parc d'objectifs. Fait que pourquoi t'obstiner ou t'acharner à rester sur un appareil qui n'est pas si incroyable que ça pour utiliser tes objectifs quand tu pourrais passer à un Fuji, à un Sony, à n'importe quoi? Parce que la pente va être encore plus grande. Il reste que, puis est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ça, j'en ai aucune idée, mais beaucoup, beaucoup de monde disent que les meilleurs objectifs que tu peux acheter, c'est des Canon. Encore une fois, est-ce vrai, est-ce pas vrai? J'en ai aucune idée. Mais je le vois très, très, très fréquemment sur Internet qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ne jurent que par ça. Mais bon, meilleur au niveau du piqué, meilleur au niveau de la construction, meilleur... Tout. On peut plus dire ça parce que moi, tu vois, pour avoir... J'ai acheté Sigma Art. Je peux dire que pour moi, c'est meilleur que la série L. Je suis d'accord. 1635 série L. Je trouve que mon Sigma Art... On parle encore en général. Je ne parle pas nécessairement là, de tous les objectifs. Là. Je parle... Puis je dis pas que c'est justifié, là. Je veux pas nous envoyer... Envoyez-nous pas de plainte ou rien. Je fais juste mais non, dire... Ce c'est sont ce des que je lis. C'est ce que j'ai... Ouais, mais c'est ce que j'ai lu souvent sur Internet. C'est... Beaucoup de monde disent qualité d'assemblage versus la qualité que tu as, visuelle, etc. Mm-hmm. C'est dur à battre. Bon. Fait que c'est peut-être ça. Ça peut être aussi ridicule que ça. Moi, j'ai pas eu assez d'objectifs Canon, honnêtement. J'avais eu 50 mm. J'étais en mode APS-C. Mon autre, c'était un Sigma 17-50. Je peux pas juger, là, malheureusement. J'en ai un L, fait que je peux pas dire. J'en ai juste un. Enfin. Mais je sais pas. Je te dis, il reste quand même que si tu repars à zéro dans une autre marque, ben c'est une habitude de tout repartir. Là, tandis que là, toi, tu as été capable, mais il y en a qui s'adaptent moins bien que d'autres. Oui, mais c'est pas juste que j'ai été capable, c'est qu'on en teste, on en a testé beaucoup. On a testé des Fuji, des Panasonic, des Olympus. L'ergonomie est similaire. C'est pas comme. Mais ils sont pas tous égaux. Ils sont loin d'être tous égaux. Non, non, je sais. Puis si on passe à Sony, les menus sont vraiment pas débiles. Ils sont pas, Fuji non plus. Ils sont pas terribles. Fuji c'est déjà un peu mieux. Si c'est meilleur Fuji que Sony. en tout cas, ça dépend, mais la série X, il me semble que les menus sont pas si mal. Là. Non? T'as peut-être pas une bonne mémoire. C'était pas fameux. Okay. C'est correct, là. Je veux dire, tu t'habitues. Ouais. Mais c'est pas toujours super logique comment c'est organisé. Je me rappelle, ça a été ma critique à chaque fois. J'adorais la X100, je l'adorais à mourir, mais ça, là, ça m'a gossé. Les menus sont mal organisés. Bon. Eh bien. Bref. Bref. Mais on finit tous par s'habituer. Ah oui, c'est comme clair. Je dis, c'est un peu plus long peut-être. Puis quelqu'un qui va gagner sa vie avec des contrats ne peut pas changer du jour au lendemain puis se réhabituer. Ça, c'est clair, on s'entend. Mais malgré justement, ceux qui ne gagnent pas leur vie, mais qui s'obstinent quand même, des fois, tu te dis, t'as juste je sais pas. Je sais vraiment pas. Le truc, c'est de se pratiquer entre deux événements ou entre deux contrats, parce que c'est ce qui est arrivé. Moi, avec le Sony, au départ, je le connaissais pas. Même les premières fois où j'ai eu à m'en servir de façon officielle, j'étais pas encore à 100%. Oh, ouais. Mais maintenant, je le connais, mon appareil. Oh, là, ouais. En tout cas, Oui, mais encore là, ça reste une rumeur. On ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils vont faire réellement. On espère que ça ne sera pas ça. J'espère. Pour le bien de Canon, parce que... Tout le monde va y gagner si on... Nikon, c'est pareil. Ils sont où, tu sais? Il y avait la série 1. Là, ils ont sorti l'autre série, dont j'oublie, le DLDS. Je ne me souviens plus. Désolé. Mais la nouvelle série, qui sont des vrais hybrides avec un objectif vraiment intégré, là, qu'on ne peut pas changer. Oui. Ce sont des bons appareils. C'est de l'hybride, justement, c'est du mirrorless, mais c'est encore, justement, là, c'est un objectif fixe. Oui, il y a un zoom, tu peux changer ta focale, tout ça, mais c'est encore pas tout à fait ça. À date... Mais si ma mémoire, le prix était plus destiné pour, sans dire bas de gamme, mais moyen, c'était pas... Non, parce que c'était celui pas 400, avec le 500. Gros zoom, non. Il y en a un qui montait à 1200, quelque chose comme ça, là. En tout cas, il y a des fois des décisions étranges que je comprends pas trop, là. C'est des bons appareils, puis justement, ils vont être polyvalents parce que tu veux faire de la photo de rue. Comme je regardais Caroline, elle a un objectif qu'elle pourrait changer, mais qu'elle change pas parce qu'elle est dehors, elle fait de la photo de rue. Mmh. Elle a soit un... c'est pas un grand angle, mais elle a, mettons, l'équivalent d'un 36 mm, ce qui est très potable. Tout à fait. Jusqu'à 270. Mmh. Ah, t'as pas besoin de changer d'objectif quand t'es dehors avec ça, là. T'sais, à moins de vouloir prendre un immense building. Si tu veux prendre le building en face de toi, tout au coin de la rue. Puis, Ben, au pire, elle traverse l'autre côté et elle prend. Et voilà. C'est pas plus compliqué. Elle s'adapte. Ben oui. On l'a fait une fois ou deux. On disait, on prend ce coin de rue-là, on traverse, puis il y avait une grosse église là, pas loin d'Ubisoft. Puis on a traversé l'autre coin de rue. Puis on était quatre au coin de la rue finalement à prendre des photos de cette église-là. Ah oui? Oui. Il y avait déjà deux Japonais qui étaient là. Non, même pas. Il y avait un gars avec son téléphone, puis l'autre, il y avait un petit appareil photo, je ne me rappelle pas, mais on s'est retrouvés... Ben, en fait, quand on est arrivé, les deux sont partis, mais on s'est retrouvés quatre à prendre le même building en photo. C'était drôle. Mais bon, tout ça pour dire que, tu sais, il y a moyen de faire un appareil sans miroir, un hybride. Je ne sais pas. Là, on parle Fuji, c'est pas du plein capteur, mais c'est des fichus de bons appareils quand même. Moi, je vous l'ai dit souvent, moi, que ça risque d'être ça, mon prochain, moi. C'est ça. Puis même moi, je me disais, tu vois les photos Fuji pour le noir et blanc, je l'ai dit souvent. Ils sont hallucinantes. C'est incroyable. Hallucinant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font de spécial, qu'est-ce qu'il y a, mais c'est incroyable. Il y a un incroyable. Genre de filtre appliqué là, à même l'appareil. Oui. Parce que c'est ça, tu as beaucoup de simulations de films dans l'appareil. Fait que quand tu dis, moi, je me mets en noir et blanc, simulation, film noir et blanc. C'est réussi. Là, c'est très réussi. Très réussi, là. C'est incroyable. Très réussi. Puis j'ai essayé de faire du noir et blanc, moi, avec mon Sony. Puis il faut que je le retravaille dans Lightroom. Puis que non, c'est pas tout à fait ça. Là. Ou il faudrait peut-être que je les prenne à la base en noir et blanc. Puis peut-être là, ça serait mieux traité, je sais pas. Mais en tout cas. Il y a moyen de faire des bons appareils hybrides, pas de miroir, puis je sais pas. Peut-être que ça va être le premier bon. Un jour. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être que ça va, justement, si c'est un espèce de succès, peut-être qu'ils vont se dire, on est dans la bonne direction. Et si ça fonctionne pas du tout, j'espère qu'ils vont pas simplement se dire, les gens sont pas intéressés. Peut-être qu'ils vont se dire, peut-être que le produit est pas intéressant. En effet. Donc, on verra. Et sur ce, on va passer au petit topo de la semaine. Je vais vous donner quelques petits conseils pour mieux vous servir de votre trépied. Oui. Petite mise en garde, je ne suis pas un expert de l'utilisation du trépied, mais... Tu vas nous montrer comment servir le trépied. Mais je vais vous donner des conseils parce que j'en ai déjà utilisé un à maintes reprises, mais aussi parce que... Quelqu'un a fait le boulot de rédiger un texte sur Internet. Voleur. Et je trouvais les conseils pertinents. Mm-hmm. Bon, on part de la base. Là. Quand quelqu'un, c'est pas qu'il s'est jamais servi d'un trépied, mais pas souvent, puis que l'expérience a peut-être pas été concluante ou il a trouvé ça fastidieux. C'est pas évident de servir d'un trépied, sincèrement, quand t'es pas habitué. Premièrement, c'est pas évident de penser à sortir son trépied quand on va faire de la photo. C'est vrai. C'est vrai. Juste à le traîner. Le traîner. Parce que souvent, c'est gros, c'est encombrant, c'est lourd. Premier conseil, pensez à votre trépied. Ça fait pas partie de l'article. Là. C'est vraiment un conseil que moi, premier conseil, trouvez-vous un sac à dos que vous pouvez attacher votre trépied. Oui. Ça, c'est un très bon conseil. Et pas nécessaire d'acheter les fameux trépieds en graphite, là, graphite, machin, que vous allez payer 600$. Il est ultra cheap, mais il tient très bien mon appareil photo. C'est ça. Non, mais ça va être un peu plus lourd ou peut-être un peu plus encombrant. Mais si vous avez si vous ne vous en servez pas si souvent que ça, si vous n'êtes pas un photographe de paysage, ça ne donne rien de se payer un trépied de fou. Là. Ou si vous ne faites pas aussi des time-lapse de 4-5 heures. Aussi. Dans des conditions des températures où ce qui vendent beaucoup, des choses comme ça, là, je le prendrais probablement, mettons, parce que... Non, au contraire, t'en veux un plus lourd pour... Mais c'est ça que je dis, c'est ça, ah, oui, je prendrais un très ce cas-là, c'est sûr et certain, parce que j'ai pas le goût que ça bouge. En graphite, sont trop légers. C'est mal compris, mais dans ma tête, c'était clair que j'en voudrais un dispendieux qui est lourd, etc. Bon, d'accord. Alors, il faut des fois, j'explique un peu plus. Et une fois que vous avez votre trépied et que vous êtes sorti faire de la photo, avant de poser votre trépied, puis d'allonger les pattes, puis de vous installer avec votre appareil, là, trouvez votre composition, votre cadrage, hein, parce que ça va vous éviter bien des soucis. Quand tu as besoin de déplacer ça, c'est pas toujours plaisant. Ben, c'est ça. Ou des fois, tu vas venir pour le déplacer, puis là, tu vas accrocher, ou tu vas te prendre dans ton sac à dos. Ou en tout cas, trouvez votre composition. Au pire, prenez votre appareil à main levée, puis regardez ce que vous voulez cadrer, puis après ça, vous installerez votre trépied. Pointez une jambe vers, un pied, vers votre sujet pour plus de stabilité et pour pas vous faire trébucher dans une des pattes de votre trépied. Vous en pointez une vers le sujet et les deux autres vont être vers vous, mais à égale distance. Donc, vous savez exactement où vous placez derrière votre trépied. Tu te places entre les deux pattes, finalement. Exactement. Je le faisais de façon inconsciente. Bon, ben tu vois. Oui, mais souvent, c'est des trucs logiques, anodins. Oui, j'avoue, j'ai jamais vraiment pensé, mais je l'ai toujours placé comme ça. Oui, ben moi, c'est... Super bon conseil, je trouve. Oui. Et c'est ce qu'on... Ben, en tout cas, avec 3 des 4 pieds, au moins, c'est ce qu'on a fait pour l'isolement de... Parce qu'autour de nous, on a des couvertes pour bloquer le son, comme on expliquait en début d'émission. Oui, ben parce que c'est un peu écho, c'est ça. Puis on a installé 4 trépieds. Oui. Puis... Ben, ils sont bien placés. Oui. C'est l'expert des trépieds qui l'a installé. Qui les a installés. Oui. C'est-à-dire François. Oui. Bonjour. Troisième conseil, gardez la branche centrale là, verticale et perpendiculaire au sol. Parce que même si le poids... Ben, le poids doit être réparti. De façon équitable sur les 3 pieds, parce que sinon, le moindre mouvement, ou si vous touchez à votre trépied sans faire exprès, il risque de perdre son ballon puis de tomber avec votre appareil et votre objectif au bout. Oui, puis quand ça tombe de haut comme ça, ça accumule une bonne énergie cinétique. Oui, exactement. C'est là aussi que si tu as un gros objectif ou des choses comme ça, peut tout le débalancer aussi. Ça y penser aussi. Et mine de rien... les petits niveaux intégrés au trépied ne servent pas nécessairement à mettre votre appareil au niveau, mais à mettre le trépied aussi au niveau. Ben oui. Non, mais la première fois que j'ai vu un niveau, j'ai dit « Parfait, mes photos vont être au niveau. » Sauf qu'il faut mettre le trépied au niveau d'abord. Pas juste l'appareil avec la tête elle-même. Ben, à quoi t'as pensé? Ben, justement... J'avais pas lu. Non, mais attends, c'est correct. T'avais pas lu ton manuel, c'est ça? Il faut que je fasse une petite correction là-dessus. Si tu as 2 niveaux sur ton trépied, tu peux être croche à la base, puis si tu fais ta bulle en haut correctement, ça va être correct. Oui, c'est correct. Sauf que, idéalement, ton trépied aussi devrait être le plus possible balancé. C'est pour t'éviter du trouble, en fait. C'est ça. Ouais. Ensuite, vous pouvez vous procurer des petites poches de sable pour ajouter du poids à votre trépied ou simplement bloquer les pattes. S'il n'y a pas de truc au centre qui va... permettre d'ajouter un sac de sable, mettez-en un au bout de chaque patte, puis comme ça va l'éviter. L'éviter qu'il évite. C'est ça. Ça va lui éviter de l'éviter. Ben, un petit truc, moi, que j'ai, c'est... Excellent jeu de mots. moi, ce que je fais, c'est que j'ai un mousqueton, puis mon sac à dos, c'est carrément ça que j'attache. Voilà. S'il n'y a pas de crochet sous le trépied, excellent. Il y a toujours une façon de... Oui, c'est ça. Puis l'idée, c'est de mettre le poids au centre le plus possible. Si possible. D'ailleurs, si votre fameux pivot central ou la barre du centre, la colonne centrale peut s'extensionner encore plus haut pour vous donner plus de hauteur, ne le faites pas idéalement. En tout cas, si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a du vent, là, parce que plus vous montez cette colonne-là, plus le trépied est sujet à un débalancement à cause du vent et compagnie. Si vous avez des objectifs courts, vous pouvez utiliser un L-bracket en français. un coin en L, donc mon Dieu, je sais, un support en L. Un ancrage en L, je pourrais pas dire. Enfin, un espèce de petit support de la forme qui a la forme d'un L que vous allez installer sur votre trépied, entre votre trépied et votre appareil photo finalement. Donc, ça peut être quelque chose de... Quand tu as des objectifs assez chers, généralement, il vient avec, mais pas toujours. Ouais, pas toujours. Si vous avez un objectif long, une longue focale ou un téléobjectif, vous pouvez utiliser une espèce de collier à trépied. Là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un terme? Ben, par exemple, je ne sais pas s'il y a un terme, mais en tout cas, collier, ça décrit bien, ou une bague. Une espèce de bague ou un trépied, collier, là, c'est ça? Pour répartir le poids. Oui, ouais. Exactement. Par exemple, sur une 70-200 de Canon, il y a une bague, justement, qui est un peu décentrée pour que le boîtier se retrouve plus à l'arrière du trépied pour contrebalancer le poids, finalement, d'objectif. C'est ça. Ben, sur le 70-200 de Sony, c'est ça, juste aussi. Exactement. Servez-vous-en, parce que c'est ça que ça sert. Oui. C'est vraiment ça que ça sert. C'est pas juste pour flasher. Non. Non, parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu fais, justement, comme on disait, un time-lapse, puis là, tout à coup, quand tu regardes, ça a descendu tranquillement sans que tu t'en rendes compte. Oui. Fait que c'était tout simplement, c'était quoi, 7 petits conseils pour mieux utiliser votre trépied. Mais c'est bon. Il y en a des tout cons, là, qu'on se dit, ben oui, c'est normal, mais parfois, on arrive, puis sur le coup, on pense pas nécessairement à certains trucs. Puis là, ben le fait de, premièrement, partir avec votre trépied, puis de penser à ces petits détails-là, ça va faciliter, ça va simplifier votre sortie photo. Puis ça va rendre ça plus agréable, puis vous donner le goût d'en refaire. Excellent. Hein? Oui. C'était très bon, ça. Tout comme, c'est quoi sur l'objectif? C'est l'autofocus, non pas l'autofocus, le stabilisateur d'image, quand tu l'utilises, à désactiver, absolument. Très, très judicieux conseil, si vous utilisez un trépied. C'est pas la première fois qu'on le mentionne, mais c'est pas grave, on va le remensionner encore, c'est très important. Tant qu'à parler de trépied, désactiver la stabilisation optique. Je l'ai découvert à mes dépens. Oui, bien, quand on essaie de photographier, mettons, la Lune, tu sais, le fameux premier sujet, quand on t'achète un zoom, on réalise que ça prend un trépied, donc on retourne au magasin s'acheter un trépied. Puis là, bien, on essaie de photographier la Lune, puis elle n'est jamais complètement nette. Hein? Non. Puis là, on découvre que c'est la fameuse stabilisation optique qui nous nuit. Parce que ça essaie de compenser un appareil déjà stable, puis là, bien, ça rend la photo pas tout à fait net. Oui, oui. Erreur de débutant. Eh oui. On l'a fait tous ou presque. Oui. Ah oui. Ben, vraiment. Je dis ou presque. Ou mais par oubli. Qu'on... Oui. Ben, sauf ceux qui ont lu le manuel. Sauf ceux qui ont lu le manuel. Ou qui ont quitté objectif. Ah, oh, c'est bon ça. Parfait. On va passer au bloc suggestions. Christian, t'as quoi comme suggestion cette semaine? J'ai vu passer. Bon, c'est souvent le cas, hein, sur les médias sociaux. Magnifique photo. Ce sont des animaux dans le ventre de leur mère. OK. Tu sais, normalement, bon, on se dit c'est quelque chose d'assez normal, mais c'est parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit un éléphant dans le ventre de sa mère. On voit plein de choses comme ça, là, tu sais, mais c'est vraiment, là, imaginez-vous les photos que vous avez vues de bébés dans le ventre de leur mère, c'est la même chose, là. Ça doit être rentré avec une fibre optique ou quelque chose comme ça, là. Je peux pas croire comment ils ont fait ça, mais c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. OK. À voir, donc. Puis on va peut-être mettre même une de ces images-là dans les notes d'épisode. Oui. Oui, parfait. François, de ton côté, qu'est-ce que tu nous présentes? J'ai deux suggestions à vous donner cette semaine. J'ai une superbe série de photos qui ont été prises par le photographe Andy Young, un Hongkongais. Je ne sais pas si on peut dire ça, dans le fond. Hein? Un Hongkongais, un résident de Hong Kong. pour son projet Urban Jungle. Lui, il s'est servi de son drone pour faire sa série de photos. C'est wow! Oui, c'est wow, comme tu dis. C'est super original. Oui, la perspective de gratte-ciel est spectaculaire. Pourquoi? Parce que c'est un objectif grand angle qui est prise à pas trop haute altitude, mais c'est tellement grand angle qu'on voit là, la ville, là, c'est tellement grand. Et il a appliqué un petit traitement couleur très saturé parce qu'évidemment... une ville comme ça, il y a beaucoup de béton, c'est assez gris. Il y a du smog aussi, souvent. Il y a du smog. On voit qu'il a travaillé un peu ses photos, puis il a saturé les couleurs. Ce qu'on ne voit pas, il a vraiment saturé. Ouais. J'ai regardé les couleurs, le jaune, c'est pétant. Là. Mais ça vient ajouter, je trouve, à son art. C'est vraiment beau. côté sécurité avec son drone. Je ne sais pas trop comment il s'est arrangé. Je ne sais pas c'est quoi les lois en Chine, mais bon, il a volé au-dessus de la ville avec son drone, ce qui ici ne serait pas vraiment permis. Mmh, et surtout pas aux États-Unis. Non. Et comme deuxième suggestion, c'est, moi je vous dirais, c'est pas le temps de tomber. Okay. Si vous n'avez pas de drone, là, comme notre ami à Hong Kong, pour prendre des belles photos de la ville, ben pas de problème. Hein? Tu fais juste monter au populaire belvédère de Lion Rock à Hong Kong. Tu t'approches un petit peu trop de la falaise, puis oup, tu tombes en bas de 1300 pieds, 400 mètres. Tu sais, c'est pas tellement haut. Hein? Il y a rien là. Ben, c'est ça. Il y a un touriste qui a tenté de se prendre en selfie au bord de la falaise, comme ça. Le pauvre gars, il est mort, évidemment. S'il vous plaît, là, nos amis photographes. Juste non. Là, juste non. L'été s'en vient. Là. Soyez donc prudents quand vous allez avoir des élans photographiques, ouais. Parce que ça semble bien simpliste comme avertissement, je le sais, mais il y a quand même bien une douzaine de personnes qui sont décédées l'année passée aux États-Unis en 2015. Un par mois. Ouais, c'est oui. Comme, avez-vous vu les photos? On les a vues passer souvent, ceux-là, je suis sûr que vous avez vu ça. C'est les chutes Victoria en Afrique du Sud, que c'est des chutes là, d'une hauteur incroyable, puis le monde prend des photos, là, mais ils sont sur le bord de la chute. Là, je ne sais pas combien de mètres ça peut avoir, c'est aberrant. Le monde sont tous là souriants en prenant des photos. Je suis comme, non, juste non. Ben c'est ça. Il y en a qui dépassent l'espèce de zone de danger, puis ils vont dans la zone grand danger. C'est là, tu sais. François, tu n'as jamais fait ça, toi? Non, j'ai jamais fait ça. Quand on se concentre sur notre cadre, là, c'est facile d'oublier tout ce qui est autour de nous. Hein. Ça peut vraiment tout disparaître autour de nous. Ben, et ça peut littéralement disparaître. Oui, oui, là, tout disparaît, c'est le cas de la falaise est disparue. Fait que, tu sais, le feeling d'avoir obtenu la shot en se mettant en position de danger, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est ça. Nope. Est-ce que vous voulez vendre cette photo-là pour gagner votre vie, devenir... non, même malgré tout. Là, même là, ça ne vaut pas la peine. Ouais. Puis là, moi, je vous dis ça, là, c'est vraiment juste pour vous garder comme auditeur là, que je vous dis ça. Allez pas trop sur le bord des falaises. Non. Et toi, Stéphane? Mais on parlait de Caro Cloutier. Elle vient de m'envoyer une photo live. Elle est en Californie en ce moment, ben oui. À Coachella. J'ai vu la chanceuse. Ouais, ben, je viens de recevoir une photo de cactus. Ah. Alors, salut Caroline. Oui. Merci pour ta photo. Pendant l'enregistrement. Mais moi, ma suggestion de la semaine, vous deviez le savoir, sinon je vous l'apprends. J'étais et je suis encore un fan d'Iron Maiden, le groupe de pop metal des années 80 surtout, oui, 90 oui, oui. Un peu. Oui. Puis là, ben ils ont... il était à Montréal il n'y a pas longtemps. Oui, il était à Montréal, à l'aéroport Trudeau, il n'y a pas longtemps. Et c'est le chanteur Bruce Dickinson qui est le pilote de l'avion. Et c'est hot, l'avion, le vol 666, était là à Montréal. Et c'est ça, c'était pour leur tournée de Book of Souls. Et on voit le visage d'Eddie sur l'aileron arrière. Et tout ça, Eddie qui est le personnage qu'on retrouve sur toutes les pochettes d'Iron Maiden. Et waouh, que j'aurais aimé être là pour prendre des photos de cet avion-là. J'imagine. Hein? Ouais, ça fait longtemps que je me dis... je vais aller à l'aéroport pour prendre des photos des avions qui arrivent ou qui partent. Ouais, ça fait un bout que je me dis la même chose. Pas loin de chez nous, dans le fond, normal quand même. Là. Ouais. Bon, on se bookera quelque chose ensemble. Sérieusement, j'aimerais ça. Ouais. Bon. Ben oui, moi c'est aussi. C'est lancé, toi aussi. Ben oui. J'allais pas t'exclure quand même. Merci, j'attendais l'invitation. Non. On se fera ça. Puis, ça serait cool. D'ici... ben, pas longtemps. Dans pas longtemps, je vais lancer une autre invitation. Je vous réserve la semi-surprise. Bon, bon. Il y aura une autre petite invitation bon. Pour quelque part durant l'été. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Il y a de la photo, en tout cas. Il y aura peut-être de l'alcool après. OK, c'est bon d'abord, je suis là. Ouais, ouais. La carotte au bout du bâton. Ben, toujours. Bon, je vais publier les photos ou un lien, à tout le moins, là, vers le compte Facebook Aéroport Montréal Trudeau pour que vous puissiez aller voir ces photos-là. De l'avion. On en a même une où il se fait arroser là, avec une espèce de grande lance de pompier. Là. C'est vraiment c'est très cool. Drôle que ce soit Aéroport de Montréal qui l'ont partagé les photos. Je trouve ça vraiment cool. Il y avait un fan à l'aéroport. Ouais, puis, c'était peut-être Guillaume. Non, j'ai un de mes amis qui travaille là. Ouais. Ouais. Mais bon. Alors voilà, ceci conclut ce 88e épisode. Merci beaucoup, François. Merci. Merci, Christian. Merci. Merci, chers auditeurs. Au prochain épisode, on va vous parler... on vous parle encore de GoPro, mais que se passe-t-il? Ils sont en feu. Oui, ça bouge chez GoPro. On va vous parler des pires types de photographes. On va vous parler de photos de la NASA, de toutes sortes de trucs. Du Canon 80D. Alors, soyez à l'affût pour le 89e épisode. Et d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.